pas gain courage pour dire ça senti, ou pas gain courage pour dire vérité. Ou vivre dans un monde plein progressif, qui pas permettre pour avancer. Ou fait moins la mise, ça me pas fait rien. Ou des fois moins fait pour te aider, mais t'es tout pas clair, ou vivre dans un fait noir. Mentalité, ou c'est l'icap grasé, c'est ça qui pas bon. C'est ça, c'est ça. Même sous ta way, yo vil frappe yo. Pas gen rien qui capable privé yo. C'est ça qui pas bon.